Paul Arène, vers la Calanque. Première partie, dans Paris, ingénue. Le tonnerre. Le soleil, ce matin-là, était apparu dans un ciel nettoyé, pur de tout nuage et presque comparable, pour la qualité de l'azur, au beau ciel de notre Provence, quand le Mistral a promené dessus, une semaine durant, son gigantesque coup de plumeau. La journée vraiment s'annonçait belle. Alors, après avoir à travers le plafond vitré de son atelier observé la couleur du temps, après avoir consulté le baromètre et sollicité au fond du bocal où elle gîte l'assentiment silencieux d'une grenouille couleur d'herbe, le bon paysagiste Lebréchu s'écria « Enfin ! Il ne sera pas dit que je n'aurai pas travaillé, une fois au moins cette année. » Parole profonde. Car vous n'imaginez peut-être pas la variété de fléaux dont nous menace cette saison de pluie si cruellement persistante. Non seulement les semailles pourrissent sous terre, inertes et désespérant de s'épanouir jamais en moisson d'or. Non seulement les grappes, au lieu de se gonfler du sang jeune et rose de Bacchus, n'annonce pour les prochaines cuvées qu'une lymphatique piquette. Mais encore, la France est exposée, calamité pire, à manquer de paysages. Oui, tous ces paysagistes qui, aussitôt l'avril venu, se répandaient dans les campagnes, récoltant à notre intention, pour égayer un peu d'idylle la tristesse des intérieurs parisiens, les couchers de soleil et les levées de lune, ces braves garçons de paysagistes, sevrés de plein air, bloqués par la pluie, se décident à ne peindre plus, cherchent l'oubli des vastes horizons dans l'endormante fumée des pipes et laissent pendre le long du mur, ainsi que d'inutiles boucliers, leurs palettes découragées. Ne riez pas! Vous comprendriez mon angoisse, à la fois artistique et patriotique, si l'autre jour, autour d'une bouillabaisse aux tranches d'or, évocatrice de visions lumineuses, vous aviez entendu se lamenter sur leur oisiveté forcée, Gagliardini, qui, mieux que personne, sait faire chatoyer un coin de mer bleue, s'argenter les fins oliviers ou poudroyer les routes blanches. Et le bon grand Yarz, ce zouave rêveur, lequel, à mon gré, n'a pas son pareil pour renverser le reflet tremblant d'une berge herbue ou d'un roc calcaire dans des eaux profondes et vives dont une truite rêverait. Donc Lebréchu, subitement ragaillardi par les avances que semblait lui faire le soleil, s'était empressé de se costumer en paysagiste, retrouvant avec une joie enfantine, au fond de l'armoire depuis l'automne dernier délaissée, la pique, le sac et la boîte, le pantalon bleu, la veste grise, le feutre de contrebandier, les souliers de cuir jaune, fortement cloutés, sous lesquels les cailloux se broient, et les molletières à multiples ardillons indispensables pour braver, dans certains pays sablonneux, le crochet mortel des vipères. Mais laissons Lebréchu compter, comme il nous les contait l'autre fois, devant Yarz et Gagliardini, les aventures d'une journée commencée si bien, et qui tout de même, il y a des peintres qui n'ont vraiment pas de chance, se trouva perdu pour le grand art. Non, là, sans blague, je me sentais frais et dispos. Ce petit rayon entrant par les châssis en coups de fouet et faisant pétiller l'or des cadres avait réveillé mes idées. Et c'est le jarret triomphant, le cœur empli d'une joie pure, qu'après m'être de pied en cap équipé, je descendis la rue des Abbesses. Mon tableau, je le tenais, je le voyais déjà sur la cimaise. Je croyais lire par avance, dans de copieux comptes rendus, les « fers savoureux », les « fonds vibrants », les « horizons ressentis », les « probité du dessin, les sous-entendus spirituels de la touche et autres phrases familières aux critiques d'art, ne signifiant pas grand-chose, mais qui, malgré tout, à l'époque des salons, chatouillent agréablement l'amour-propre d'un peintre. Une chose cependant m'inquiétait, pourvu qu'Ida Pioche soit chez elle. Vous ne connaissez pas Ida Pioche, une montmartroise pur sang, poussée à l'ombre du moulin, dans cet humus plébéien des buttes qui, par je ne sais quel miracle, produit pour Paris tant de jolies filles au nom grossier mais d'allure naturellement aristocratique, comme on voit parmi les orties et les bardanes d'un terrain vague fleurir quelquefois des fleurs rares apportées on ne sait d'où par le vent. Ida Pioche me sert de modèle. C'est elle qui me pose mes quilles, nymphe ou marquise au choix, suivant le caractère du motif. De même que le père Corot, pauvre vieux, j'aime assez animer d'une quille ou deux mes paysages. D'ailleurs, c'est un fait connu. Dans tout Montmartre, personne, quand elle veut s'en donner la peine, ne s'entend à poser une quille comme Ida. Ida Pioche n'était pas chez elle, ayant, pour je ne sais quel motif, prêté sa chambre à une amie. Mais elle était tout près, à l'étage au-dessus. Avec l'aide du garçon d'hôtel, je finis par la rejoindre. Quoique ronchonneuse et ensommeillée, Ida Pioche, après quelques hésitations, consentit pourtant à m'accompagner, séduite moins par le demi-louis de la séance que par la perspective d'un déjeuner en plein air et de promenade à travers bois pendant les interruptions de travail. Toutefois, comme condition sine qua non, Ida Pioche stipula qu'avant le départ, pour se remettre des fatigues de la nuit, il paraît que dormir fatigue Ida Pioche, je lui offrirai un joli thé à la terrasse du Ramor. Je lui offris donc le joli thé demandé et en route pour la gare Montparnasse. J'avais toujours guigné par là, du côté du Plessis Piqué, certains petits coins. Je vous dis que ça. Une mare grande comme la main, semée de nénuphars et de lentilles d'eau, encadrée d'iris et de saules. La Grèce, quoi. C'est ainsi, du moins, que sans l'avoir vue, je me la figure. Et je pensais, calculant cette affaire, avec rien du tout au premier plan, et Ida Pioche en Diane, un peu à droite, dans le fond, le Bréchu, mon garçon, tu vas dégoter les camarades. Quand nous arrivâmes à la mare, naturellement, l'heure de l'effet matinal était passée. Mais cela m'était égal, étant venu plus tôt pour l'effet du soir. D'ailleurs, l'heure du déjeuner approchant, je commandai une omelette avec ce qui s'ensuit dans un cabaret où mangent les carriers sur la route de Bièvre. Et pour ne pas perdre de temps, pendant que l'omelette se préparait, après avoir mis en place Ida Pioche, je m'étendis sur l'herbe et fumai tranquillement une bonne pipe en clignant de l'œil comme il convient et en me fourrant dans la tête les lignes générales de ma composition. Au bout de 3 petits quarts d'heure, Ida Pioche me cria « Zut, comment vous ne peignez seulement pas pendant que je me gondole à faire la Diane sous un arbre ?» Ida Pioche était furieuse, mais le déjeuner raccommoda tout. Après le café, ce fut charmant. Ida cueillit des bouquets et voulut pêcher aux grenouilles. Mais à 4 heures, « Plus de blagues !» m'écriai-je. « Voici le moment qui approche, il s'agit de piger les fées. » Ah oui, on t'en fichera de piger n'importe quoi. À peine avais-je planté mon chevalet que le ciel se couvre sans crier garde. Une goutte large comme une pièce de 100 sous s'épate, éclaboussant ma toile, et la pluie se met à tomber. Nous n'eûmes que le temps de courir à l'auberge. Quelle cataracte, mes amis! L'eau tambourinait sur les toits, noyait les chemins, les labours et dégringolait si dru, si serré, que des poissons, parole d'honneur, auraient pu nager à travers. Une heure, deux heures, nous regardâmes la pluie tomber, et comme elle tombait toujours, Ida se fit des réussites. Le dîner fut mélancolique. Ce sacré retour m'inquiétait un peu. La station la plus proche se trouvait à une bonne demi-lieue. Impossible de la regagner par ces chemins détrempés, devenus fondrières. Impossible également de coucher à l'auberge, l'unique pièce disponible de la bicoque étant occupée par cinq carriers. À la fin pourtant, l'hôtesse nous dit qu'à quelques pas de là, pas bien loin, il y avait une espèce de château croulant laissé à la garde d'un jardinier et que peut-être on nous y logerait. La nuit s'avançait. Nous nous mettons en route, abrités sous mon parasol promu pour la circonstance à la dignité de parapluie, glissant et nous butant dans un sentier glaiseux et nous sonnons à la grille d'un parc mystérieux abandonné au fond duquel brillait une lumière. Perron moussu, escalier royal, long corridor sentant le champignon et le grand siècle. Puis des chambres, encore des chambres, toutes sans vitres ni volets. On nous trouva deux chambres contiguës qui étaient relativement closes, et tant bien que mal, à la guerre comme à la guerre, Ida et moi, nous nous en arrangeâmes. Entre-temps, le tonnerre s'était mis de la partie, répercuté par les échos du parc et secouant à grand fracas les vieux murs de la maison vide. Le spectacle, d'ailleurs, valait la musique, et je me régalais de voir dans la lumière blanche et intermittente des éclairs les masses de noire verdure qui se creusaient sous la rafale. Mais Ida ne goûtait qu'à demi ces esthétiques émotions. Ida Pioche avait peur du tonnerre et le considérait en quelque sorte comme un ennemi personnel. Je dus lui démontrer qu'après tout, nous ne risquions rien, le logis étant muni d'un paratonnerre. Un para... quoi ? Un paratonnerre ! Cette tringle, tu l'as bien vue en arrivant, cette longue tringle pointue qui est à la cime du toit. Alors, quand le tonnerre vient à tomber sur cette tringle, il s'y embroche ? Il s'y embroche sans s'y embrocher, c'est-à-dire qu'après la tringle, il suit une chaîne de fer fixée dans le mur et qui le conduit au fond d'un puits. Je comprends, de sorte que le tonnerre n'est pas embroché, mais qu'il se noie. Cette explication la contenta. Néanmoins, pour plus de sûreté, refusant la première chambre où il y avait un lit et que je lui offrais par galanterie, Ida voulut coucher sur un canapé dans la seconde. Comme ça, si le tonnerre se présente, il sera obligé de passer d'abord par chez vous. Aimable égoïsme des femmes. Cependant, les éclairs se succédaient et le tonnerre grondait de plus belle. Si au moins Ida Pioche avait dormi. Mais non, je l'entendais aller, venir, se retourner. Elle me demanda par le trou de la serrure. « C'est-il vrai, monsieur le Bréchu, que la soie préserve ?»« Parfaitement. »« Alors je ne vais garder que ma chemise de soie. » L'orage m'énervait un peu, mais la pensée qu'Ida était là toute seule et tout près, en chemise de soie, contribuait à m'énerver, peut-être autant que l'orage. Un modèle, certes, est sacré, seulement à cette heure, par un temps pareil, il n'y a plus de modèle. Une porte nous séparait. Au bout d'un moment, je venais d'éteindre ma bougie, il me sembla que ma voisine ouvrait cette porte. « C'est toi, Ida ? Que diantre fais-tu ? » « Voilà, j'ai réfléchi. Il y a une cheminée chez moi, et si le tonnerre entrait par la cheminée avec cette porte fermée, je ne saurais plus comment le faire sortir. Allons, demeure ici et nous fermerons les deux portes. Ida ne s'endormit guère qu'au petit jour. Respectant son repos, j'étais descendue dans le parc. Rien n'est charmant comme un vieux parc qui reluit et chante au soleil levant après une nuit d'orage. De plus, j'avais avisé à l'angle du mur un vieux puits, le puits en question, et rien ne débarbouille les idées comme de se fourrer de grand matin la tête sous un jet de pompe. Je pompais donc, la tête inondée, mes brouants ainsi qu'un jeune chien qu'on baigne, quand tout à coup « Prenez donc garde, monsieur le bréchu, vous allez pomper des tonnerres !» C'était Ida, la bonne Ida, qui, toujours en chemise de soie, m'objurguait ainsi par la fenêtre d'une voix si enfantinement émue que mon cœur en fut retourné. Sacré le bréchu, Ida pioche t'aimait. Et que devient le tableau dans tout cela? Dame, vous comprenez, je ne me sentais plus bien en train. Ida voulait rentrer pour assurer sa mère. Je rapportais donc ma toile vierge. Mais cette mare, parole d'honneur, est vraiment superbe. Et à moins que le diable ou Saint-Médard ne s'en mêle, je compte bien y retourner avec Ida au premier jour. 12 juin 1891.